Et ouais, bonsoir à toutes et à tous, c'est Will et ça y est, vous les avez entendus, c'est Eds bien entendu qui a ouvert l'émission de ce soir, surtout voilà qui ouvre l'émission avec leur dernier album Anka à l'honneur ce soir dans ce punk metal rock, comme vous le savez, qui sera retrouvable bien entendu à la fin d'émission, chroniqué, détaillé, et trois pistes d'ouverture de l'album et une piste de fin d'album. Ce soir exactement, ça sera même la piste de fin d'album. Exactement. En attendant, on va s'agrémenter l'émission avec d'autres pistes un petit peu plus éclectiques, dira-t-on, dans les genres. Toujours un petit peu quand même dans le bourrin et une piste d'un ancien album de Heads pour dire de se faire une petite comparaison. Mais en attendant, on va partir tout de suite sur autre chose. On a ouvert donc avec Nick CDE, une des pistes de cet album qui j'espère vous a bien mis l'eau à la bouche. Et là, on va partir sur un autre groupe, un groupe qui nous sort son album prochainement, début juin. Le nom de l'album, c'est Aggressive. La piste, c'est le même nom, Aggressive, et le groupe, c'est Beartooth, bien entendu, pour vous, en exclusivité, dans le Punk Metal Rock. Juste avant de s'écouter tout ça, je vous le rappelle, comme chaque semaine, si vous voulez retrouver les podcasts de l'émission, lâcher une dédicace ou autre, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, www.punkmetalrock.com, et en attendant, je cède la place, justement, à Beartooth avec Aggressive, pour vous, c'est parti, montez le son, let's rock. I might be in too much debt with the hell in my head. I'm way too aggressive. The nervous ticks, the twitch in my neck, I'll never repress it. Force your drugs, will you still be out? Chew what's up, spit us out, you know what you're breeding. You Et ouais, Beatles avec Aggressive, bien entendu, tiré de leur prochain album Aggressive qui va sortir prochainement, qu'on retrouvera un peu plus amplement dans le punk metal rock, car j'espère que cette grosse dose d'énergie vous a bien plu ce soir. Allez, en attendant, on va partir, on va continuer avec autre chose, on va revenir donc du coup sur Duet, un album un petit peu plus vieux, l'album Teratology sorti aux alentours des années 2007-2008, hein, je me rappelle plus exactement comme ça de tête, pour dire de se faire une petite comparaison. Entre autres avec le style un petit peu de l'époque, bien qu'il n'ait pas énormément changé, il a quand même évolué, hein, ça faut le remarquer, et surtout l'ancienne chanteuse qui, j'espère, ne vous manque pas trop, surtout à la vue de cet album, mais tout ça, on y reviendra tout à l'heure. En attendant, on se fait plaisir avec un petit coup d'eau de Javel, NaOCL de Heads pour vous, dans le punk metal rock. Le sirop de Javel, comme une prise habituelle, aseptique cela s'en mêle, couronne en caresse, sans toujours j'ai mangé les vers qui rompaient dans les salles. Pour réunir, j'ai Et c'est avec NaOCL pour vous, tiré donc de leur ancien album il y a quelques temps, sorti il y a presque une dizaine d'années, Teratology, pour vous dans le punk metal rock, pour dire de comparer un petit peu un niveau auditif avec l'album à l'honneur ce soir, justement, Anka, album tout fraîchement sorti du groupe, avec du nouveau, voilà, dans le line-up et autres, mais tout ça on y reviendra, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, on reste un petit peu dans les mêmes années, on change de style, on va partir sur du power... Un petit peu, ouais, de power japonais, voilà, avec un groupe que je ne présente plus, le groupe Galnerius, un groupe qui nous a sorti un bon gros paquet d'albums en très peu de temps, en moyenne environ un album par an, ce qui est vraiment énorme, avec toujours des compositions quand même plutôt bien travaillées. C'est pas tout n'est bon à prendre non plus dans l'album, mais souvent, il y a quand même pas mal de bonnes pistes. Bien entendu, on retrouve le très talentueux guitariste Siu, et en attendant, bah, on va se les écouter tout de suite avec une piste assez énergique tirée de l'album Beyond the End of Despair, la piste Heavy Curse. Calling down the creature mama. Gal Nerius avec cette piste aussi, et Rickers tiré de leur album, comme je vous le disais, Beyond the End of Despair, qui j'espère vous a bien plu pour cette petite session, dira-t-on, de power japonais dans le punk metal rock de ce soir. Et quitte à parler du Japon, on va carrément en revenir à l'antipode, revenons chez nous en France. On va bientôt, comme vous le savez, le temps passe, presque une demi-heure d'émission déjà, et avant d'attaquer donc l'album à l'honneur de ce soir, on va partir sur un autre groupe, un groupe que j'ai déjà passé dans le punk metal rock, que j'ai même déjà chroniqué, sur lequel je reviendrai encore maintes et maintes fois à l'occasion dans diverses prochaines émissions, je ne sais pas quand encore, restez à l'écoute pour ça. Le groupe, bien entendu, c'est Akroma. Franchement, à respecter au niveau du boulot de composition, c'est tout simplement génial. Là, on part sur l'album 7, comme le dieu égyptien, avec cette piste qui parle justement d'un des thèmes des plaies d'Égypte, les moustiques. Akroma pour vous dans le punk metal rock. C'est parti, montez le son, let's work. We'll be right back. Chroma avec Les Moustiques tirés de l'album 7, comme je vous le disais, hein, comme Dieu égyptien, album sorti en 2009 concernant justement les 10 plaies d'Égypte, donc 10 pistes chacune sur une des plaies. Pour vous montrer un petit peu le travail niveau composition du groupe que vous avez déjà quand même pu remarquer, groupe au style assez particulier dans le black symphonique, mais quand même bien écoutable, bien appréciable. Ils ont sorti un autre album qui s'appelait 7, comme le chiffre, sur les 7 péchés capitaux, chaque piste de 7 minutes chacune. Donc vraiment, hein, quand même un bon gros boulot de fou là-dessus. Dernier album sorti en 2014, hein, c'était l'album La Scène, justement, concernant les 12 apôtres de Jésus. Donc vraiment un très très gros boulot. Toutes les félicitations à ce groupe qu'on retrouvera encore prochainement dans le punk metal rock. Et cet album, voilà, était sorti en 2009. Si vous voulez aller vous l'écouter, farfouiller un petit peu pour vous le trouver, moi franchement, je vous les conseille. Allez, en attendant, comme vous le savez, le temps passe. Revenons un petit peu à nos moutons et surtout à nos Marseillais de Heads avec Anka. Justement, c'est l'heure de l'album de la semaine. Un album mis en avant, chroniqué, détaillé et surtout à écouter, c'est à retrouver avec l'album à l'honneur dans le punk metal rock. Et oui, cette semaine, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, Heads, Anka, dernier album du groupe, tout fraîchement sorti. Un album sur lequel le groupe, dans un sens, mise quand même beaucoup, ce qui peut se comprendre. Pour ma part, franchement, un album qui mérite d'être à l'honneur ce soir dans le PMR et qui mérite même de se retrouver et d'être réécouté plusieurs fois. En tout cas, j'espère comme moi que vous allez l'apprécier. Car oui, Heads fait bel et bien son retour ici, 4 ans après, et avec un nouveau line-up en forme, complètement en forme d'ailleurs, et il n'y a rien de tel pour nous en envoyer plein les esgourdes. Revenons d'ailleurs, enfin plutôt, ils sont revenus ici plus en forme que jamais, avec du talent à revendre, et ce de part, on va pas se le cacher, la nouvelle chanteuse Rachel Asp, et Heads nous signe ici une galette qui ne déçoit vraiment pas. Après, je vous cache pas là-dessus, je suis totalement subjectif, c'est uniquement mon avis, et je sais que je ne suis pas le seul à le partager, mais si on prête bien l'oreille, vous remarquerez qu'il ne déçoit pas, à part peut-être pour certains puristes, mais dans ces cas-là, il faut peut-être voir un petit peu aussi tout le reste niveau technique. Je vous conseille de vraiment bien prêter l'oreille ce soir si vous ne l'avez pas encore entendu. Premier point d'ailleurs qui change en comparaison avec les autres albums, c'est la pochette. Bien différente et d'ailleurs un petit peu plus sobre, même bien plus sobre, et pourtant tellement accrocheuse. Et côté son, à côté, pour se plonger dans le vif du sujet, et ben ça envoie du lourd, hein, du début à la fin, sans sourciller, sans souci, avec des pistes quand même grandement travaillées. Toujours le style particulier, comprenant en quelque sorte, on va dire, ancien et nouveau, bien mélangé, le tout à juste dose. Hein. Le style n'est pas radicalement différent, on reste dans le metalcore que Heads savait nous pratiquer, un petit peu différent d'avant, et pourtant, voilà, c'est pas exactement le même trait pour trait, et ça franchement ça plaît, surtout quand on se rend compte qu'ils ont su garder ce style très particulier qui fait le groupe, avec bien entendu de la nouveauté, et de la nouveauté nouveau surtout technique vocalement, et ça franchement on va pas cracher dessus, hein. C'est un album, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, un album un petit peu à risque, hein, surtout au vu des divers commentaires de ce qu'on pourrait qualifier entre guillemets de certains fans, voilà, sur la toile ou autre, qui disait, voilà, Heads, Candice n'est plus, donc Heads n'est plus. Faut pas oublier que Candice n'était que la chanteuse de Heads, hein, et non pas le membre, enfin les membres non plus principaux du groupe. Et j'espère sincèrement que non, cette bande de... Enfin, ce groupuscule, voilà, pour utiliser un terme, on va dire, correct et non blessant pour personne, pourra quand même changer d'avis à l'écoute de cet album, car il s'est marqué vraiment très comme il faut, et ça, là-dessus... Faut vraiment bien porter l'oreille pour s'en rendre compte et c'est nickel. Tout est très bien fait d'ailleurs, le talent vocal de Rachel est pour moi indéniable. Ça, j'espère que vous avez pu le remarquer au début et que vous avez accroché. Et pour montrer d'ailleurs que le groupe est bien là et en vie, bah moi j'ai envie de vous dire que le pari ici est entièrement réussi et on sent bien quand même qu'ils en ont vraiment à revendre et ça, ça fait plaisir. J'espère que ça ne signera pas la fin du groupe, que les gens vont vraiment apprécier comme moi et comme j'essaye de vous faire comprendre aussi ce soir que en prêtant bien et en s'attardant bien sur cet album, bah ça vaut le détour, ils en ont encore à revendre, ça se sent aussi, ils ont toujours leur énergie, et s'ils pouvaient nous sortir un autre album après, franchement, ça serait pas négatif quand même. Mais en attendant, ben, on va se faire plaisir. On va arrêter de parler un petit peu de tout ça. On va partir sur la musique. Comme vous le savez, les trois pistes d'ouverture, Nefas, Nihil Sine Causa et enfin Amaterasu pour vous dans le punk metal rock. Tiré de l'album donc à l'honneur ce soir, Anka de Hetz. C'est pour vous, je vous le rappelle, si vous souhaitez lâcher vos dédicaces ou autres, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. www.punkmetalrock.com. En attendant, c'est parti, on monte le son. Let's rock! Et oui, ça y est, vous les avez entendus, les trois pistes d'ouverture Amaterasu, précédées de Neil, Sine Cosa, et enfin Néfaste, la piste d'ouverture de l'album à l'honneur ce soir, Anka, du groupe Heads. Heads qui nous a également accompagnés, car comme vous le savez, l'émission touche déjà à sa fin, le temps passe assez vite, qui nous accompagnait avec Nick CD, piste d'ouverture de l'émission de ce soir, et également petite comparaison avec NAOCL, tiré d'un ancien album qui n'était autre que Teratology. On a accompagné tout ça ce soir, pour vous le rappeler, avec Beatrice et Aggressive, tiré de leur prochain album qui sortira bientôt et qu'on retrouvera dans le punk metal rock, Aggressive justement. Galnerius un petit peu dans le passé avec du power japonais et la piste Evictures tirée de l'album Beyond the End of Despair. Et enfin, le bon coup des excellents du Black Symphonique français avec Acroma, les moustiques tirés de leur album 7 sorti en 2009. J'espère que toute cette émission ce soir vous a plu. On va se quitter ce soir avec la piste de fin d'album exactement de l'album à l'honneur, la piste c'est Mintaka, et j'espère que tout ça vous a plu, hein. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller relâcher tout ce qui est dédicace ou autre, les contacts si vous voulez diffuser également votre groupe ou un groupe voilà, que vous connaissez ou que vous appréciez dans l'émission, tout ça vous y retrouvez au même endroit que les podcasts, les playlists et tout ce qu'il faut, www.punkmetalrock.com, et ça j'en fais également part sur la page Facebook de l'émission Punk Metal Rock, que je vous invite à venir aimer. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont venus, merci à tous les nouveaux aussi qui écoutent l'émission, merci à tous ceux surtout qui la suivent, ceux qui la suivent depuis longtemps encore plus, hein. Je vous le rappelle, comme chaque semaine, c'est grâce à vous que cette émission continue de vivre. Voilà, comme vous le savez, c'est tout comme ça, juste pour le plaisir. Et c'est grâce au plaisir que vous me procurez derrière à être là, à l'écouter, à lâcher vos dédicaces que l'émission peut continuer. Surtout, et franchement, merci à tous. C'est toujours un plaisir de l'animer pour vous, comme chaque semaine. Je vous invite donc à me retrouver, même lieu, même heure, la semaine prochaine. En attendant, on va donc se quitter avec Mintaka dans Punk Metal Rock. Je vous le rappelle une dernière fois, podcast, playlist, tout ce qu'il faut savoir, toutes les infos, www.punkmetalrock.com. Allez, en attendant, bah, je vous souhaite, comme d'hab, hein, une excellente semaine, une semaine bien métal, je l'espère. See you soon, stay tuned, and stay metal.